parti le pianiste. Alors, qu'est-ce qu'on joue ? Piano. Et où la basse ? Attends, j'écoute la basse. Ah, il est revenu. Et maestro. Frank. Jackson, Billie Jean, Billie Jean. Mama, I know myself, I know. C'est quoi cette chanson ? I was meant to love you. C'est quoi le... Est-ce que tu sais jouer du Coldplay ? Coldplay ? Coldplay ? Coldplay ? Or not Coldplay ? Je ne sais pas ce que c'est. Ah, il a un orgue en plus. Il y a un bassiste. Un bassiste. Could you play Coldplay? Keen. Seigneur. Franck. Franck, could you play Kim? Yes, it's good. You say you wanna you all alone, but when I think about it, ah, c'est ça. Everybody's changing and I don't know why. C'est vachement aigu en fait. Yes. Play on the tempo. pas chanter là-dessus. Enfin. If you want to try another version. Jamiroquai. C'est Jamiroquai ça. Ouais, ça c'est bien ça. Ah bah pas tout faire. Keen Jamiroquai, je sais pas. I don't know. What's the name of this song? Jamiroquai. Jamiroquai. Virtual Insanity, c'est ça? Ah ouais, Virtual Insanity. Okay. Ouais, c'est dur ça. Oh yeah. C'est trop dur, c'est trop dur. Yo, yo, ça va? Tu t'en vas? Ok.